Plage 4. Le nettoyage particulier. Grâce à Ho'oponopono, il vous est également possible de nettoyer les mémoires liées à un domaine particulier de votre vie. Comme par exemple, vos amours, vos finances, votre santé ou votre travail. Mais vous pouvez aussi traiter des sujets précis, comme une situation qui vous pose problème actuellement, un lieu, une relation avec quelqu'un ou un mal quelconque. Et c'est également grâce à ce qui va suivre que vous pourrez aider une tierce personne. Pour ce faire, vous devrez prendre un instant pour penser à cette situation ou à ce domaine et faire ainsi remonter en vous les sentiments qu'il vous inspire. Et surtout, travailler sur un seul sujet à la fois. Puis, il s'agira de faire naître des impressions de ras-le-bol et de ressentir que vous en avez assez de cette situation, jusqu'à ce que cela se transforme en une énergie irrépressible qui vous pousse à jeter hors de votre vie les mémoires qui provoquent cet état et ces désagréments. Avec véhémence et vivacité, comme si vous disiez « Maintenant, ça suffit, dehors, dégagez !» En langage populaire, on dirait qu'il faut y mettre toutes vos tripes. Et c'est à ce moment-là que vous déclarerez à voix haute et en conservant cette vive énergie, avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui créent cette situation, des plus anciennes aux plus récentes. C'est ce qui indiquera à l'énergie de Ho'oponopono où aller nettoyer vos mémoires. Après cela, vous effectuerez vos répétitions de « désolé, pardon, merci, je t'aime ». Mais vous devrez spécifier la nature du problème dans la formulation. Comme par exemple, si vous travaillez sur votre domaine sentimental, vous pourrez dire « Avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui créent cette insatisfaction dans mes amours, ou bien toutes ces mémoires qui m'empêchent de rencontrer la personne idéale. » Même chose pour le domaine financier, en disant « Avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui créent cette situation de pénurie ou bien qui m'empêchent d'atteindre l'abondance. » Prenez maintenant quelques secondes pour penser à la phrase que vous déclarerez dans un instant lorsque je vous le demanderai. Là aussi, vous ne devrez rien demander et n'envisager aucune solution dans l'immédiat, car ce serait le fruit de votre mental qui a justement créé les mémoires que vous désirez éliminer. Enfin, si vous travaillez pour le bien d'une autre personne, n'oubliez pas que vous devrez nettoyer en vous les mémoires que vous partagez avec elle. Aussi, vous pourriez déclarer par exemple, en admettant que cette personne s'appelle Catherine et qu'elle ait des problèmes d'argent, avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, je nettoie maintenant en moi les mémoires qui créent cette situation de pénurie dans la vie de Catherine, des plus anciennes aux plus récentes. À présent, si vous êtes prêts, nous allons commencer. Vous avez toujours les yeux fermés et vous êtes encore en état de relaxation, en contact avec votre mental, votre subconscient, votre moi supérieur et l'énergie divine qui est en vous. Respirez profondément et sereinement. Prenez quelques instants pour penser au domaine ou au sujet qui vous préoccupe. Laissez vos sentiments qui y sont reliés affluer en vous. Ne vous inquiétez pas, cela fait partie du processus. Sont-ils lourds, angoissants, pénibles ? Laissez-les demeurer en vous encore un moment. À présent, modifiez progressivement ces sentiments. Substituez-leur une impression de ras-le-bol, de perte de patience à leur égard. Trop, c'est trop. Sentez comme vous en avez assez de cette situation qui n'a que trop duré. Peut-être même depuis plusieurs années ou décennies. Maintenant, ça suffit. Dites stop. Vous en avez marre de vous laisser embarrasser par cette situation. Une boule d'énergie puissante, d'agacement, se forme peu à peu au niveau de votre plexus solaire. Sentez-la grossir en taille et en intensité. Vous vous sentez prêt à dire stop, ça suffit, et à vous débarrasser de ces mémoires qui vous importunent. Tout ceci n'a que trop duré. Vous voulez vous en libérer une bonne fois pour toutes, même si vous faites ce nettoyage pour une autre personne. Gardez cette ardeur, ce bouillonnement dans votre esprit et sur votre plexus solaire et déclarez avec force la phrase que vous avez préparée il y a un instant. Avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui créent. Des plus anciennes aux plus récentes. À présent, faites votre nettoyage, sans rien attendre et sans rien demander. Inspirez profondément par le nez, bloquez 2 secondes, puis dites « Désolé ». Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Vos mémoires liées au sujet se nettoient progressivement. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Ne demandez rien. N'attendez rien et n'envisagez aucune solution pour l'instant. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Le repentir, le pardon, la reconnaissance et l'amour travaillent en votre faveur. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Ressentez l'énergie de Ho'oponopono. Nettoyez vos mémoires. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Félicitations. Vous voici à présent débarrassé d'une grande quantité de mémoire qui crée cette situation désagréable, qui altère un domaine de votre vie ou bien celui de la personne pour laquelle vous avez fait ce traitement. Mais tout n'est peut-être pas encore effacé, car certaines programmations sont épaisses et tenaces. Et c'est pourquoi je vous recommande de refaire à nouveau ce nettoyage demain ou dans quelques jours. Mais soyez absolument certain que le processus est enclenché et que vous commencerez à constater des changements importants d'ici à très peu de temps. Malgré cela, il vous appartiendra de continuer à travailler sur ce domaine ou sur ce sujet. Maintenant, vous pouvez soit interrompre votre séance et prendre le temps de revenir calmement, ici et maintenant, à votre rythme. Respirez profondément et étirez-vous avant d'ouvrir les yeux. Ou bien vous pouvez poursuivre votre nettoyage avec les exercices qui vont suivre. Auquel cas, gardez cet état de relaxation et les yeux fermés.